Activité 4, page 19, piste 10. Alice ne mange pas de dessert amer. B. Tu manges de la viande ou tu ne manges pas de viande. C. Mon frère boit du thé, mais il ne boit pas de café. D. Moi, je ne bois pas d'eau pendant les repas.